Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. On est dans le cadre des soirées refuges qui sont un cadeau qu'on fait à tous nos guides 2030 glorieuses qui sont de plus en plus nombreux, mais aussi de plus en plus compétents, qualifiés, ambitieux, inspirés, inspirants, et qui nous permettent de porter plus haut cette question des nouveaux récits, des utopies, de comment en plus on peut utiliser cette question des nouveaux imaginaires pour réempuissanter les citoyens, refaire de la politique dans le bon sens. Et donc, dans le cadre des soirées refuges, nous, on a envie de les chérir, nos guides, on a envie de les nourrir avec des personnes inspirantes qui agissent sur ces sujets parfois depuis de nombreuses années. Valérie, on s'est rencontrés en fin d'année dernière, de manière assez... C'était une belle synchronicité, c'était chouette de se parler. Tu portes le projet de l'Assemblée des Imaginaires qui est hyper connu dans notre petit milieu. J'aimerais quand même, si jamais des personnes qui sont avec nous ou ici, que tu reviennes sur ce sujet. Puis petit à petit, on va pendant ensemble une demi-heure dérouler un peu la question des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires, de toi ce que tu portes, de toi ce que tu crois. Et pourquoi c'est un levier important pour toi pour transformer la société. Puis ensuite, on laissera un petit peu de place à nos guides pour recommencer à poser des questions, puisque vous avez déjà lancé la dynamique, et pour poser des questions, peut-être en rebondissant sur des sujets qu'on aura entrouverts, ou peut-être en amenant des complètement différents. Voilà. On commence, Valérie, par la question un peu signature du podcast que j'ai rapporté ici dans cet échange, qui est, imagine, tu es à un événement où il y a plein d'inconnus et arrive la question fatigue. Toi, tu fais quoi dans la vie? Comment tu te présentes maintenant, Valérie? Eh ben, c'est marrant que tu poses cette question, Julien, parce que j'ai fait un TEDx, qui vaut ce qu'il vaut, hein, c'est il y a longtemps, mais j'ai justement évoqué cette question que je n'aimais pas qu'en soirée, on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, et que je préférais qu'on me dise à quoi rêves-tu ? Et que je trouve que finalement, on était beaucoup plus définis par nos rêves ou nos élans de vie que par finalement ce qu'on faisait. Et justement, ce TEDx s'appelle « Apprendre à être soi pour faire société ». Et finalement, je pourrais dire que moi, aujourd'hui, ce que je transmets, c'est apprendre à rêver pour faire société ou faire récit pour faire société. Et donc voilà, mais je pourrais aussi répondre si tu me posais cette question, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et je pourrais te dire, ben je suis moi et c'est déjà un boulot à plein temps. Voilà. Et puis j'ai l'impression qu'en fait, ça va nous occuper toute notre vie d'être soi, hein, et du mieux possible. On est d'accord, mais toujours est-il qu'être toi, j'ai l'impression quand même, si je devais le réduire assez, ou le dire en tout cas trop vite, ça tourne beaucoup quand même autour de la transmission des histoires. Nous, les êtres humains, on est des animaux sociaux par excellence, et j'ai l'impression que toi, t'aimes bien raconter, créer, transmettre, partager ces histoires avec toutes les casquettes qui sont les tiennes. Et peut-être qu'à force d'être un peu dans différents rouages, t'as senti à quel point on devait réempuissanter le citoyen dans ces histoires qu'on se transmet, peut-être dans l'émergence de nouvelles histoires avec l'Assemblée des Imaginaires, ou est-ce que je suis en train de réécrire ta propre histoire personnelle de manière complètement subjective et faussée en réalité? Non, pas du tout, c'est hyper bien dit, j'adore. si tu veux, moi si on faisait, je me définissais avec un regard de permaculture humaine, et donc je te parlais de ma niche écologique, je te dirais que ma raison d'être, c'est la connaissance de soi au service de l'empuissantement citoyen. Et donc, pour moi, en fait, se connaître et se connaître l'autre, et pardon, excuse-moi, se connaître et connaître l'autre, c'est justement raconter une histoire, la sienne, et écouter l'histoire de l'autre, en fait. Et c'est ça, finalement, tout est récit dans la société, le couple, le capitalisme, l'argent, tout est récit. Et la vie est un récit, finalement, tu vois. C'est pas anodin que la Bible commence par au début était le Verbe et le Verbe s'est fait chair. Et donc moi j'ai l'impression que y a rien de plus passionnant et de plus spirituel au sens laïque du terme, hein, mais spirituel quand même qu'un récit. Et donc pour moi les histoires en fait me permettent de me connaître, de connaître l'autre et de grandir en humanité et d'engendrer ma réalité en fait. Donc, si chacun, on reprend son stylo, ensemble, on peut engendrer notre époque. Donc, c'est ça, en fait, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre mon stylo, d'inviter les autres à prendre le leur et qu'ensemble, on coécrive une histoire qui nous plaise. Voilà. Quand est-ce que tu as compris que tu pouvais le prendre, ton stylo, enfin, que tu avais même un stylo qui était à ta portée, parce que c'est assez simple, sans doute trop simpliste, de dire qu'il y a quand même pas mal de personnes, notamment dans le métier du 7e art, mais pas que, qui en fait, les subissent, les histoires, qui ont l'impression que jouer un rôle dans cette transmission d'histoire hollywoodienne, pour le dire encore une fois trop simplement, c'est déjà une fin en soi, c'est un succès, on est en haut de l'échelle, on gagne bien sa vie, on est valorisé et basta. Toi, j'ai l'impression que tu as compris qu'en fait, tu pouvais jouer un rôle dans l'émergence d'autres histoires, d'histoires qui t'étaient propres, que tu n'étais pas là que pour les transmettre, que pour les raconter, ces histoires, tu pouvais les faire émerger. C'était évident à un moment où il y a eu un déclic, il y a eu un choc, il y a eu une rébellion. Donc la question est de savoir finalement quand est-ce que moi j'ai eu un déclic pour reprendre ma vie en main avec un stylo. Non, parce que les soft powers de notre société que sont la publicité, le cinéma, l'écriture, elles nous imposent des histoires malgré nous. Et toi qui fais partie de ce milieu, tu aurais pu te contenter d'une certaine manière de jouer le jeu et basta, et de vendre comme ça la belle vie romantique, le couple, comme tu le disais, le fait d'avoir de l'argent, de rouler dans ta BMW et de montrer ça. Mais j'ai l'impression que tu t'es dit que c'était pas suffisant, ces histoires qui circulaient dans notre société. Ah bah non. Et que tu avais compris que tu pouvais en plus avoir ton mot à dire par rapport à ça. Comment tu as compris ça? Ah bah bien sûr. Alors effectivement, notre réalité d'aujourd'hui est le résultat de nos rêves ou de nos cauchemars d'hier. Et donc, toute la question est de se dire, est-ce qu'on a envie de subir les rêves et les cauchemars des autres ou on a envie finalement de participer aux rêves collectifs? Et donc, moi, j'ai envie de te dire que cette conscience-là, je l'ai un peu toujours eue, si je peux me permettre, mais dans le sens où j'ai le sentiment d'avoir toujours écrit. Depuis petite, j'ai toujours écrit, j'ai toujours rêvé, j'ai toujours, en tout cas, voilà, j'ai l'impression que c'est une manière d'être insoumis, d'être révolutionnaire, que de s'autoriser à proposer son regard sur le monde, en fait, et écouter aussi le regard de l'autre. Enfin, ça va toujours dans les deux sens. Hein. L'idée, c'est pas de comment te dire ou de reproduire les codes du monde que l'on dénonce ou que l'on quitte. Donc, l'idée, c'est d'être quand même dans une forme de co-création et pas d'imposition de son regard à l'autre. Donc, voilà, pour poursuivre, quand est-ce que j'ai eu ce déclic, ça a été donc progressif, mais après, je suis passée par la case Sciences Po à Lyon. Et de toute façon, quand on décrypte la société contemporaine, on comprend finalement, effectivement, les imaginaires dont on hérite. Et donc, c'est hyper intéressant de bien les comprendre pour ensuite les réinventer. Donc voilà, mais effectivement, les codes actuels de notre société et de notre contrat social sont effectivement des codes qui... viennent de 300 ans de révolution industrielle qui remettent en question 4 milliards d'années de vie sur Terre. C'est sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres mythes qui ont influencé notre quotidien. Il y a la culture, en tout cas, nous, en Occident, la culture judéo-chrétienne. Il y a des mythes aussi. Il y a le mythe de la Bhagavad Gita. Il y a plein de mythes qui ont forgé nos cultures aussi. Et voilà, et ça s'entrechoque, et ça se rencontre, ça se fait compte. C'est la culture. Et c'est hyper intéressant que le mot « culture » soit le même que celui qui est employé pour la Terre. Donc voilà. Et en plus, du coup, il y a des gens qui, là, tu vois, ils racontent tout ce déclic-là et qui disent « Bon, bah, c'est pour ça que moi, je suis scénariste, c'est pour ça que j'écris des histoires, c'est pour ça que je suis romancier, c'est pour ça que j'écris une troupe de théâtre, j'en sais rien. » Et toi, tu t'es dit « Bah, en fait, c'est pour ça que j'ai envie de faire en sorte que les citoyens ils racontent de nouvelles histoires, qu'ils participent à l'essor de ces nouveaux récits. » Et c'est un peu avec cet élan de réempuissanter, de redonner de la place, la parole aux citoyens, que tu t'es lancé avec l'Assemblée des Imaginaires. Pourquoi on a besoin de les entendre, les citoyens? Il vaut mieux, en fait, laisser faire les professionnels et que le boulot soit bien fait, non? Pourquoi c'est important d'avoir les citoyens pour raconter ces nouveaux récits? Je suis un peu provocateur. Bah, je vais te faire deux réponses. La réponse de cœur, qui est... Moi, quand je sais faire quelque chose ou que quand j'organise une boum, bah, j'ai envie d'en profiter avec les autres, d'en faire profiter les autres et d'être dans le partage. Et donc si tu veux, c'est pas drôle qu'on écrive seul ou qu'on rêve seul ou autant le partager avec les copains, quoi. Déjà, donc d'avoir une démarche de générosité. Ensuite, donc ça c'est le côté sentimental, mais le côté purement pragmatique qui est tout aussi important. C'est que, si tu veux, en tant qu'autrice et en tant que réalisatrice, pendant des années, je me suis parfois pris des portes quand j'allais vendre mes sujets autour de la société post-carbone. Et j'en avais tellement marre, si tu veux, de l'argument « ça ne marchera jamais »,« ça ne plaira pas au public », etc., etc., que j'ai commencé aussi à me dire « mais… » faudrait quand même qu'on aille voir du côté du public sur ce qu'il veut vraiment. Et effectivement, c'est ce qui est ressorti de mon rapport « Quel storytelling des enjeux actuels dans l'industrie du cinéma et des séries télé ?» C'est que, en fait, on est dans une sorte d'énorme triangle racinien de malentendus où les scénaristes, en fait, ils ont de bons produits, ils ont de bons projets, mais ils ne sont pas pris, il y a un plafond de verre, parce que les producteurs ont une croyance sur ce que veulent les diffuseurs ont une fausse croyance sur ce que veut le public, et c'est un énorme malentendu. Les résultats, on nous offre des films où il ne se passe pas ce que nous on vit, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, il n'y a pas de problème avec la biodiversité, les comportements humains sont un peu peut-être, sont hyper has-been, hein, c'est des comportements humains qu'on peut avoir dans les années 90, ça ne reflète pas. Et donc, l'idée, c'était plutôt de mettre les diffuseurs et les producteurs à la page en faisant une sorte, et je vais utiliser un mot marketing, hein, finalement une énorme étude de marché en leur disant, mais regardez, dans le questionnaire, les citoyens, ils disent qu'ils veulent remettre en question le capitalisme, en fait, ils veulent un nouvel imaginaire. Et si, ça va leur plaire parce qu'ils veulent telle histoire. Et donc là, on avait avec cette méthode la preuve que en fait, ça grouille, qu'il y a une effervescence qui vient du terrain et que qu'ils réclament de nouveaux codes de leurs vœux et que mais on a la preuve tangible, voilà. Donc avec ce que tu dis, en fait, l'Assemblée des Imaginaires, elle aurait déjà gagné si elle s'arrêtait là, de cette grande sollicitation citoyenne qui a eu lieu, de cette participation, de ce recensement des envies, effectivement, de parler des enjeux de notre époque et même du siècle à venir. Rien que de constater que c'est dans l'air du temps et que c'est plus que un fantasme des militants écologiques, ça valait le coup de la faire, cette Assemblée. Ah mais... Alors, je vais te dire, moi, aujourd'hui, on m'a souvent posé la question, quel est selon vous le meilleur impact? Et aujourd'hui, je peux te répondre, le meilleur impact, c'est de plus chercher à en avoir. Déjà parce que justement, ça permet de sortir de l'énergie de la lutte. Et moi, je suis plus pour l'énergie de la lutte. Parce que d'un point de vue énergétique ou vibratoire, ça met dans des énergies de guerre, alors que personnellement, j'ai envie d'être dans des énergies de reliance et de paix. Donc déjà pour commencer. Et donc effectivement, oui, pour moi c'est déjà une victoire Alors, elle est loin d'être terminée, mais si on l'arrêtait aujourd'hui, ça serait déjà en tant que telle une victoire. Parce que je vais te citer Marshall McLuhan, The Medium is the Message. Donc, le médium, c'est le message. Tu connais McLuhan en théorie de la communication? En fait, il disait que voilà, le médium, c'est le message. Et donc, il dit beaucoup d'autres choses, mais en tant que tel, le médium qu'est l'Assemblée citoyenne des imaginaires, donc c'est comme un médium, un média, elle constitue en tant que telle, dans ce qu'elle est, un message, c'est-à-dire effectivement un média qui a mis en lien et autour de la table, de manière asynchrone et parfois en simultané, pendant un an, des scénaristes, des citoyens et des experts de la transition autour de la table pour ensemble écrire les récits de demain, en fait. Donc ça, en soi, c'est un message. Ce qui est un message, c'est aussi l'empuissantement citoyen, c'est-à-dire le fait d'avoir organisé des ateliers, formé les gens et d'avoir cherché finalement à démocratiser le rêve en posant cette question de quoi je rêve pour moi et pour le monde en 2050. Donc voilà, et pour moi, c'est aussi une victoire. Parce qu'il y a de la reliance, en fait. Il y a du dialogue et il y a de l'écoute. Pour moi, le véritable récit est celui qui s'incarne à travers la capacité à s'écouter soi et à écouter l'autre. Et c'est déjà énorme, en fait, d'être dans cet être au monde. Après, je peux te dire plein d'exemples et plein d'ingrédients qui font que c'est une victoire, mais je ne veux pas trop monopoliser la parole. Après, il va y avoir des... Donc là, il y a des scénaristes qui sont en train de bosser sur des histoires qui sont absolument géniales. Tu as commencé à m'en pitcher quelques-unes la dernière fois qu'on s'est vu. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est un exercice auquel tu as le droit de te prêter, là, en sachant que l'enregistrement sera rediffusé auprès du grand public, et si tu as peut-être un ou deux scénarios que tu as envie de nous partager. Moi, j'aimerais bien comprendre ce qui va être différent de ce qu'on présente comme des succès de production sur des sujets écologiques des dernières années. Je pense notamment à Don't Look Up d'Adam McKay, qui a été souvent mis en avant par certains militants en disant « Ah, ça, regardez, enfin, un film qui parle d'écologie, qui pointe du doigt les incohérences de notre système, qui a proposé en plus un site internet, il y a une mobilisation sur les réseaux sociaux, c'est un vrai succès. » Moi, j'ai pas trouvé que c'était un succès et j'ai pas vu un avant et un après. J'aimerais bien avoir ton opinion par rapport à ça. On a parlé la dernière fois qu'on s'est vu du dernier film avec Romain Duris, Le règne animal, et de tout ce que tu me disais, j'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a pas eu ces films qui marquent un avant et un après dans la proposition de récit, qui sont vraiment enthousiasmants, mobilisants, qui peuvent créer une rupture dans notre relation à l'autre, dans notre relation à nous-mêmes. Qu'est-ce qui fait défaut pour l'instant, même dans ce qu'on présente comme un cinéma militant? Alors, oh, la tartine, t'es partie, je suis en train de prendre de l'élan. C'est presque une conférence d'une heure, mais je vais commencer à te donner des bribes. En fait, si tu veux, déjà, je vais te citer Paul Éluard, un nouveau monde existe et il est déjà dans celui-ci. Et donc, à condition de savoir avoir les lunettes pour voir le nouveau monde et ou pas, et à la limite, c'est pas obligé. Moi, je peux te dire qu'avec... mes lunettes, mais les tiennes aussi, puisque toi-même, tu sais, avec tes livres, si ce nouveau monde, il existe. Mais pour moi, je sors du militantisme, je ne veux plus convaincre. Je ne veux plus être dans une forme de dualité avec d'un côté les gentils, de l'autre les méchants, d'un côté... pour moi, Don't Look Up, en fait... Il est génial, et si c'est une réussite, et justement, il ne parle pas d'écologie, et c'est ça qui est dingue, c'est que ça parle de l'écologie, parce qu'on a compris qu'il y avait une métaphore autour du réchauffement climatique utilisée avec l'allégorie de la météorite qui va nous tomber sur la gueule, mais ça ne parle pas d'écologie, et c'est ça qui est dingue, c'est qu'ils ont fait un vrai nouveau récit, tel que je le définis moi, ou en tout cas ce que je transmets aux scénaristes que je forme, qui est « arrêtons de faire de l'écologie ou une fin en soi dans le discours, mais au contraire, distillons-la dans la psychologie des personnages, dans les éléments de décor et dans les enjeux narratifs. » En cela, donc Look Up a tous les ingrédients pour moi d'un bon nouveau récit, parce que une psychologie des personnages qui est extrêmement intéressante, qui est incarnée par Jennifer Lawrence, et Leonardo DiCaprio qui sont intègres dans la coopération, dans une forme d'honnêteté intellectuelle. En même temps, ils sont dans une forme de vulnérabilité, ils sont dans leur puissance, mais ils ne sont pas dans le pouvoir. Enfin bref, bon, ce sont des lanceurs d'alerte. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que pour moi, ça n'est pas un récit 100% utopique, ça n'est pas non plus un récit 100% dystopique. On est à la croisée des deux. Pour moi, il y a quand même une forme d'utopie parce que, bah justement, un, dans la psychologie des personnages et deux, dans les valeurs qu'ils prônent, et notamment des valeurs d'amour et de coopération, et je pense notamment à la fin. Je vais spoiler la fin pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais pour moi, quand Don't Look Up termine par ce dîner où ils se tiennent tous par la main et donc ils sont ensemble, dans le vivre ensemble, dans l'amour, et qu'ils disent « mais en fait, on avait tout », ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme, cette prise de conscience de « en fait, on avait tout ». Dans l'Assemblée citoyenne des imaginaires, ce que j'ai demandé dans la Bible initiale, c'est qu'on commence avec… La Bible étant pas une réactualisation du livre religieux. La Bible, c'est ce qu'on demande, c'est dans un projet audiovisuel de départ où il y a quand même des règles du jeu. C'est-à-dire dans les intentions de dialogue, dans les éléments de décor, etc., dans justement les enjeux narratifs. Et moi, mon élan, c'était qu'on commence quelque part par « en fait, on a tout ». Et donc, comment on sort de l'énergie du manque, on part de l'abondance, et comment on fait pour danser avec le putain de facteur humain ou avec les saboteurs que nous sommes tous, moi y compris, nous tous, quoi. Et donc, pour terminer sur Don't Look Up, donc c'était intéressant parce que justement, il y avait quand même cette prise de conscience qui était hyper intéressante, qui est assez historique parce que pour une fois, c'est pas les Américains ou le président américain qui nous sauve. C'est-à-dire que c'est quand même un blockbuster où ça se termine par une fin qui est aussi tragique que sublime. Donc, pour citer l'expression de Sandrine Rodeau que j'adore. Donc, ça, c'est une révolution. Ensuite, il y a, en plus, un éclairage sur notre société qui est dingue, tant au niveau du traitement médiatique que des GAFA, ils se sont autorisés, un esprit et une audace, un esprit critique et une audace assez, assez révolutionnaire. Pour moi, regarde le film Barbie cette année, 1,5 milliard au box-office. C'est une révolution, ce film, dans la mesure où ça ne parle pas non plus d'écologie. En revanche, ça remet en question finalement une partie du problème qui est une société patriarcale. Et encore une fois, quand je dis société patriarcale, ça n'est pas genré. On a un contrat social jusqu'à maintenant qui est quand même assez patriarcal, mais les femmes et les hommes en sont tout aussi responsables. Donc, je ne veux pas tomber dans un débat autour du sexisme, ça n'a rien à voir. Mais donc, pour moi, le fait que Barbie ait osé, à travers justement la métaphore de la Barbie, remettre en question les codes du patriarcat, et il y a quand même dans le dialogue une remise en question sur la consommation de masse. Alors oui, je sais que tu vas me dire que le succès a provoqué des achats de Barbie, etc., mais c'était pas comment te dire, ils sont pas responsables forcément de ça. Pour moi, ils sont Greta Gerwig, qui est quand même une fille hyper engagée, très moderne, vraiment chantre du cinéma d'auteur indépendant aux États-Unis. Elle a été intelligente parce qu'elle a quand même réussi justement à faire travailler les codes du blockbuster américain et des codes ultra subversifs, et c'est une victoire, quoi. Donc, et il y a plein de messages subliminaux dans le film Barbie qui sont dingos. Pour que le film ait une réussite telle et un message fort au point que Poutine ne veuille pas qu'il soit diffusé en Russie, ça veut bien dire qu'il est en train de se passer quelque chose, qu'il y a un avant et un après. Après, il y a un avant et un après avec plein de films. Enfin, je veux dire, la culture Star Wars, il y a un avant et un après. Et Star Wars, c'est des films extrêmement spirituels, justement, autour... C'est peut-être un peu le cas en ce moment avec les Dunes, qui sont en train d'être remis au goût du jour. On a eu le 1 et puis le 2 de Denis Villeneuve arrivé en février 2024. Là. Ah bah voilà, il y a quand même aussi une initiation. Enfin, ce sont pour moi des récits initiatiques d'une, avec comment dire, des notions autour de la transcendance des générations passées, des générations futures, autour de la notion de mystère. Pour moi, c'est presque des récits guérisseurs. Mais même des films comme... encore une fois, Star Wars fait beaucoup de références à l'Égypte ancienne. Voilà, les Jedi, le Jedi égyptien, hein, ça a été... évidemment, il y a toujours les éternels... films ou séries des sœurs Wachowski, qui sont pareil. Il y a eu un avant et un après cet éclairage qui ont fait Matrix, qui ont ensuite. Toi, tu parles de comment s'appelle cette série où ils sont tous connectés à travers le monde. Voilà, Sense8, exactement. Bah, Matrix. Cloud Atlas, qui fait référence à la noosphère de Teilhard de Chardin, ou même les annales akashiques de Erwin Laszlo. Ça a été repris par un roman, mais ça pose de vraies questions sur la connexion, les âmes, sur l'impact qu'on a sur le monde. Leur fil conducteur est vraiment autour aussi de la physique quantique, si tant est qu'on arrive à comprendre la physique quantique. Mais voilà, dans Matrix, toute la question autour de c'est quoi la réalité, l'oracle de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. L'allégorie de la caverne, hein, de Platon, comment on engendre notre réalité, comment on en sort, comment on se libère, comment on s'émancipe. Enfin, c'est passionnant. Et là, dans les récits citoyens, alors, on a le prochain Star Wars, on a le prochain Matrix. C'est ça que tu es en train de nous dire, parce que tu prends que ces exemples depuis tout à l'heure. Donc, tu es en train de nous faire une grosse annonce, là. Alors, effectivement, il y en a un qui est une série chorale, qui est hyper intéressant, qui est une forme de bataille des imaginaires, qui serait un peu... qui pourrait s'apparenter à Sense8 et aussi un peu à la série Heroes, parce que effectivement il s'agit de plusieurs personnes un peu dans le monde entier qui ont la mission, par l'intermédiation d'une, je peux pas tout vous dire parce qu'on va pitcher chez TF1 la semaine prochaine, mais par l'intermédiation d'une personne qui a des pouvoirs magiques qui sont celui de rentrer dans l'imaginaire de gens stratégiques dans le monde. Et notamment le président de la France, cette personne qui a la tête du FMI, etc., etc. Et donc, comment... Le meilleur pouvoir du monde. Exactement. Tu inceptionnes les puissants. Exactement. Et donc, comment on va rentrer dans ces imaginaires-là des décideurs, puisque ça rejoint ta question du départ de, mais en fait, un peu provoque ta question de, tu sais, de toute façon, c'est pyramidal, il y a déjà des gens qui décident. Bah là, non, justement, l'idée, c'est d'inverser le rapport de force et de rentrer, de connecter ces personnes-là à des souvenirs, déjà de leur enfance et aussi à des imaginaires souhaitables. Et donc, finalement, on est vraiment au cœur d'une bataille d'imaginaire, mais qui va passer par l'intelligence du cœur, en fait. Et donc, c'est assez puissant. Évidemment, il va y avoir, parce que l'idée, c'est attention de ne pas tomber dans les travers de l'utopie. Une histoire a quand même besoin d'être contrebalancée. Et donc, évidemment, il y a un méchant qui va vouloir hacker ce super pouvoir qui est une intelligence artificielle très, très, très nocive. Et donc, voilà, on rentre dans une bataille des imaginaires. Donc, ça, c'est la série qui a eu le coup de cœur du public, qu'on a soumise à l'Assemblée citoyenne des imaginaires. Et ils ont, à l'unanimité, voté pour celle-là. Et puis, mais après, il y a d'autres récits qui sont super sympas. Il y en a une où on est... en 2050, Camille a son père qui est dans le coma depuis 30 ans et il s'avère que son papa est l'ancien PDG de Total. Et du coup, le truc, c'est que le papa de Camille va se réveiller de ce long coma Le truc, c'est que entre-temps, il y a eu un procès pour écocide. Enfin, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Elle est terrorisée qu'il fasse une syncope, et donc elle va recréer tout un univers en carton-pâte capitalistique, enfin de feu, les années 2020, pour protéger son papa de la vérité. Et ça va être une aventure parce que ils habitent dans un habitat partagé, ils sont en communauté, il va y avoir des fuites d'informations sur ce monde 2050 post-carbone où il y a plus de et du coup voilà, ça va être mais c'est hyper beau parce qu'en fait on entre en empathie. C'est aussi une histoire sur jusqu'où par amour on dit la vérité ou pas. Et ça pose beaucoup de questions sur notre transition actuelle, justement ce que je te disais au début sur les gentils, les méchants, mais est-ce que finalement j'ai forcément raison sur l'autre ? Est-ce que l'autre n'a pas le droit d'avoir sa propre vision du monde ? Et qui je suis, moi, pour lui imposer ma vision toute faite ? Et puis après tout, qui n'a jamais péché jette la première pierre ? Etc. Et donc, comment construire un vivre ensemble sans être des convaincus ? Ou des cons plus loin vaincus. Donc c'est vraiment aujourd'hui pour moi toute la question, c'est comment aimer l'autre, quoi. Ma crainte, qui en fait qui s'applique autant aux films et aux séries dont tu parles qu'aux ateliers 2030 Glorieuses que nous on anime, c'est que on n'arrive pas à faire en sorte que les personnes qui assisteront à ça sortent de leur simple siège de spectateur. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a vécu ça, une fois qu'on s'est ému, une fois qu'on s'est enthousiasmé, une fois qu'on s'est mis à sourire, à rire, à pleurer, et qu'on repart avec une énergie qui va être balayée par la routine, le quotidien, l'actualité déprimante le lendemain matin à la radio. Comment vous avez prévu de jouer un peu soit une marteau-thérapie, soit de recréer des prétextes à l'enthousiasme qui avait été provoqué? Qu'est-ce qui a été prévu pour que ce ne soit pas un épiphénomène, que ce ne soit pas un simple feu d'artifice? Mais je te redis, en fait, et s'il ne se passait rien, et alors ? Dans le sens où c'est hyper important pour moi, il y a une chercheuse de la, qui intervient dans l'Assemblée citoyenne des imaginaires, Pascale de Gaillatis, auprès de laquelle je me suis énormément formée, et qui m'a beaucoup initiée au « et alors ?». Parce qu'en fait, si tu veux, ça permet justement de relativiser dans le sens où, pour moi, l'important, c'est très bouddhiste ce que je vais dire, mais c'est de se détacher du résultat. Je me rends compte que ça fait 20 ans que je travaille dans la transition et que au début, parce que je voulais bien faire, mais en même temps l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je voulais tellement changer les choses, je voulais tellement forcer, j'étais tellement dans l'énergie de la volonté que malgré moi, j'ai engendré de la violence. Et je n'ai pas rejoint l'autre là où il était. Je voulais qu'il aille là où je voulais qu'il soit. Et donc, ce n'était pas la bonne méthode. Et donc, pour moi, et c'est pareil en amour, et c'est pareil avec un chat, si tu forces un chat à te faire un câlin, il va fuir. tu vois, enfin, c'est vraiment la sagesse du propriétaire de chat. Je ne sais pas si tu en as un, mais il t'apprend vraiment bien la vie, quoi. Parce que si tu forces un chat à lui faire un câlin, il va vraiment fuir. Avec l'autre, c'est pareil. Et donc, moi, j'ai envie de te dire, je n'ai pas envie de forcer l'autre à changer. Par contre, si je lui parle d'un autre endroit qui est l'intelligence du cœur, le sensible, le subtil, et finalement un rayonnement un peu lumineux, peut-être qu'il pourra attraper un coup de soleil, mais c'est pas ma volonté. Peut-être qu'il pourra être touché, peut-être qu'il pourra avoir une graine de conscience, mais pour moi la volonté c'est juste d'offrir des histoires qui soient des phares, c'est tout. Il n'y a pas. Et puis de toute façon, il se passe toujours quelque chose en vrai. Il se passe toujours quelque chose. Si tu es au bon endroit et avec les bonnes personnes et que les choses elles ont été faites d'une manière sincère, il n'y a pas de raison que ça ne touche pas au moins une personne en plein cœur. Nous, on constate avec les 2030 Glorieuses, et je termine avec ça, que souvent, les plus beaux moments, les plus beaux voyages, c'est des histoires simples, évidentes qui se racontent. Et on se perd pas dans des dystopies ou des utopies fumeuses, techno-futuristes, trop compliquées pour qu'on se dise, ben non, en fait, ça arrivera jamais. Non, c'est du temps passé avec les enfants, c'est du temps passé en forêt, c'est justement du temps retrouvé, c'est de l'ennui, c'est des valeurs redonnées aux choses qui en demandent vraiment. Et j'ai l'impression que de s'autoriser à se raconter des histoires simples, rien que ça en soi, c'est une victoire, parce que la simplicité, c'est devenu quelque chose de complètement étranger à notre monde. Est-ce que ça, toi, avec l'Assemblée des imaginaires, vous avez senti cette envie de simplicité dans les histoires qu'on se raconte ou pas ? Moi, je pense qu'on a besoin de simplifier la complexité. C'est-à-dire qu'on est malgré tout, nous, on initie malgré tout les personnes à la pensée complexe. Voilà, c'est pas pour rien qu'en ce moment, finalement, on a besoin de pas mal de profils pour aborder ces transitions qui soient ou zèbres ou au potentiel émotionnel ou intellectuel, qui ont cette capacité à avoir des pensées en arborescence. Pourquoi ? Parce qu'on vit une multicrise. Et donc, enfin, pardon, je sais que tu sais, mais je suis obligée de passer par là. quiconque a lu tes bouquins, enfin voilà, sait que tu abordes cette question. Donc voilà, on est obligé d'aborder une interdisciplinarité. Voilà, l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique, l'autonomie productive, la gouvernance, etc. Et de toute façon, le vivant est complexe. Et donc, c'est important d'initier à ça, mais effectivement, de passer de la complication de nos multicrises à la complexité, et ensuite de cette complexité, la simplifier. Donc voilà, et après, bah, ce qui est simple, c'est... comment te dire, ouais, le bonheur, la vie, les petits plaisirs du quotidien, l'humilité en fait, l'humilité. Finalement, ce qui nous a compliqué la vie, c'est notre rapport au pouvoir, c'est notre ego, mais en fait, notre élan de vie, il nous simplifie la vie. Donc voilà. Mais après, il y avait une autre question que tu me posais qui était. Sur les histoires ou les impacts ou je crois que j'ai pas répondu, ou est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions en tout cas tu m'as donné l'impression que tout était très clair, mais je voulais t'entendre effectivement autour de cette notion, parce que souvent quand on aborde dans notre présent très présent les futurs, l'avenir, on rajoute de la complexité, on rajoute au millefeuille, j'ai tendance à dire qu'on rajoute, on fait du bruit en plus. Et je vois qu'au contraire, quand on voyage en 2030 glorieuse, on fait de la place, on fait du vide, on enlève des couches du millefeuille et on revient à plus de simplicité. C'est vrai que c'est pas de la simplification. On a toujours cette hauteur de vue globale, mais on enlève, on allège. Et je trouvais que ça, c'était quelque chose qui, moi, en fait, me donne beaucoup de confiance dans les gens qui ont ce sentiment de trop plein. Et dès qu'on on leur donne l'opportunité d'imaginer une autre vie, simplifie et vont vers l'essentiel. Je voulais savoir, c'est pour ça que je t'ai posé cette question, si ces histoires que vous avez racontées, elles vont vers cette idée d'essentiel, mais tu utilises le mot d'humilité qui me va bien, donc je pense qu'on parle de la même chose. En fait, si tu veux, ce que je peux te dire de ce que j'ai observé dans nos écosystèmes de la transition et du changement, qui sont très éclectiques, hein, y a pas de... mais pour moi, il y a quand même un travers encore de victime bourreau sauveur. Et le triangle de Carpan. Et en fait, tant qu'on est dans ce triangle-là, on est encore dans une forme de toxicité. Et que finalement, aujourd'hui, moi, j'en suis venue à la conclusion que non, on ne sauvera pas la planète. Non, on n'a pas ce pouvoir-là. en revanche, on a le pouvoir de changer effectivement notre être au monde. Et du coup, les histoires... ce qui peut être intéressant, c'est que justement, dans ce que tu dis, c'est qu'elles nous réapprennent à nous dépassionner ou à dédramatiser les enjeux et à nous faire sortir de cette illusion, finalement, qu'on a les pleins pouvoirs et qu'on va tout résoudre et que machin, et qu'il y a plein de choses à faire et que si que ça, et que du coup, elles nous font être passionnées par le problème et elles nous empêchent d'être libres et légers et de s'autoriser à rêver un nouveau champ des possibles, en fait. Et c'est ça qui est important pour moi. Enfin, quand tu parles de la simplicité, pour moi, c'est justement cette simplicité de l'enfant qui s'autorise à rêver, qui s'autorise à en fait penser que tout est possible. Et au pire, en fait, ça marche. Et qu'aujourd'hui, c'est un peu comme dans Le Petit Prince, où en fait, on est dans un monde d'adultes hyper compliqué, où on se prend mais méga la tête. Et finalement, c'est un problème qui s'auto-régénère, quoi, qui continue finalement à se perpétuer. Et c'est pour ça que l'idée, c'est de faire « Wow, on baisse la pression, les gars !» Enfin, juste, non, on ne va pas changer les choses. Et si on arrêtait finalement de s'éparpiller et si on laissait la vie, en fait, agir à travers nous et nous traverser, peut-être qu'elle a un plan pour nous, en fait. Et donc, c'est toute la question, finalement, pour moi, des histoires, des imaginaires et du rêve, qui est d'habituer les personnes à se dire « Ok, je vais faire une petite pause et je vais me laisser traverser par la vie, par le champ des possibles. » Et ce que dit Otto Schammer dans la théorie U, c'est le futur est une possibilité qui te regarde, en fait. Ou cette autre phrase que j'adore, qui est « Ce que tu cherches, te cherche aussi. » Mais en fait, on ne laisse pas le temps à la vie de nous trouver. On est en train de s'affoler parce qu'on est dans une énergie de l'ego ou de la peur. Mais en fait, c'est juste, c'est pour ça qu'il n'y a rien à faire, il y a juste à être. Et pour terminer, notre chercheuse Pascal dit, puisque toutes les histoires sont basées autour de la quête du Graal, c'est de plus en avoir, c'est d'être le Graal. Et un Graal, donc c'est la coupe. La coupe, elle est dépouillée, c'est une coupe, elle est vide, elle est là pour être remplie. Et donc, comment on devient des coupes pour être remplie? Donc, c'est pas moi qui écris, je suis écrit. Je me laisse traverser par quelque chose qui me dépasse. C'est pas moi qui danse, je suis dansée. C'est pas moi qui parle, je suis traversée, quoi. Et quand on écrit des histoires, et dans les ateliers qu'on a animés avec l'Assemblée citoyenne des imaginaires, il y a des messagers du futur. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, on est tous des médiums potentiels, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui se laissent traverser par le futur, quoi, et par des choses mais extraordinaires. Enfin, il y avait eu des métiers incroyables auxquels on n'avait pas pensé, des accordeurs, des émotionnologues. Il y a plein d'univers qui sont auxquels on a accès, et, qui sont magnifiques, plein de poésie et voilà. Et donc, mais encore une fois, ça demande de ne rien faire, de juste accueillir, quoi. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous jusqu'au bout. Si vous voulez continuer à explorer les utopies vivantes, je vous invite à vous rendre sur 2030glorieuse.org pour découvrir la galaxie des 2030 glorieuses. Bien sûr, vous pouvez continuer à écouter ce podcast, mais aussi vous procurer mes livres sur le sujet. Et surtout, vous inscrire à un prochain atelier utopiste collectif pour voyager en 2030 glorieuse à côté de chez vous. Salut !